Attention la pluie, préparez vos bottes. L'équipe de Charlotte attend les fausses notes. Bouchez vos oreilles, serrez bien les dents, car aucun ne sait jouer d'un instrument. Caramiel avec sa queue tape sur un tronc d'arbre creux, puis il fait claquer ses dents, mais ça fait des contretemps. 1, 2, 3, 4. Clafoutis est trop feignant pour jouer d'un instrument. Il remue son petit bout de nez et ça fait bien rigoler. Attention la pluie, préparez vos bottes. L'équipe de Charlotte attend les fausses notes. Bouchez vos oreilles, serrez bien les dents, car aucun ne sait jouer d'un instrument. Attention la pluie. Attention.